Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. L'armée pas là, maman moins c'est belle-mère. La plus ça va, on lève son pantalon. La plus ça va, on lève son pantalon. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. La plus ça va, on lève son pantalon. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ava bon moi 25 fois moi. Ava bon moi 25 fois moi. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. Ava bon moi 25 fois moi. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Quel amour. Quel amour. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Cheap dollar, c'est cheap dollar. La moula, c'est la moula. Si tu me veux, faut me donner 25 francs. Tu te souviens l'année dernière où tu avais injurié ma mère. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. Ça change mon cœur. Cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. Ah oui, cette année-ci, ma mère, c'est ta belle-mère. Quel amour. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ça change mon vieux. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Oh là là là. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Quel amour. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ah oui. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ma gosse. Cette année-ci, ma mère c'est ta belle-mère. Ma gosse, c'est ta belle-ci. Ma mère c'est ta belle-mère.